Bienvenue dans Holiday Mix. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Bonjour à tous, c'est reparti pour un petit tour en musique à bord du vaisseau Holiday Mix. Bienvenue pour 60 minutes 100% club avec aujourd'hui une sélection essentiellement Tech House. Au rendez-vous aujourd'hui, il y aura Danik et son clubber, Funk Agenda avec Blacklight, Jordelicious avec Lump. Il y aura également un mashup de Chris Evans qui a mélangé Adele et Arno Cos, sans oublier le nouveau Deadmau5, le music de Trisco, remixé par Eddie Halliwell, et j'en oublie, on démarre avec Mr. Joe, en voici un remix signé Ethan Wood, monte le son et laisse-toi aller. Holiday Mix avec Monsieur Cortez. Come on, come on, come on! Come on, come on, come on! Mr. Joe! Come on, come on, come on! Mr. Joe! Say what you wanna do! We just wanna have fun. Monsieur Cortez. We'll be right back. Holiday Mix avec Monsieur Cortez.

le meilleur du dance floor. Le meilleur du dance floor. We'll be right back.

Les meilleures nouveautés dance floor. 100% clubbing. Avec Monsieur Cortez. Holiday Mix.